Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous retrouverons Frédéric Bouchard pour la chronique sur les savants méconnus d'hier à aujourd'hui. Des savants qui ont laissé leur marque dans leur domaine respectif, mais qui sont malheureusement restés dans l'anonymat, du moins pour le grand public. Alors nous rejoignons Frédéric en direct de Paris pour une chronique toute spéciale sur la tombe d'un savant inconnu. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour, bonsoir en fait. Salut. Ça va bien Frédéric? Oui, ça va très bien, merci. Toi, ça va? Oui, ça va bien, merci. Je te parle, aujourd'hui, en fait, pour la chronique, c'est la tombe qui est en quelque sorte inconnue, puis le savant, lui, l'est un peu moins. Oui, comme vous disiez en intro, c'est Antoine Laurent Lavoisier, ou de Lavoisier, à qui on attribue l'une des phrases les plus célèbres en science et dont les restes, les ossements, se trouveraient enfoui quelque part sous terre dans le 14e arrondissement de Paris, pas loin de chez moi. Uh-huh. On va revenir sur la phrase célèbre un peu plus tard, mais Lavoisier n'est donc pas nécessairement un pur inconnu, du moins en France, n'est-ce pas? Oui, en effet, le nom de Lavoisier est relativement connu en France, du moins dans la communauté scientifique, on pourrait dire. C'est d'abord un nom qui est associé à la Révolution française à la fin du 18e siècle, car il a contribué à plusieurs grandes réformes à cette époque-là, dont les réformes concernant la monnaie, les impôts, l'éducation nationale. Il faut rappeler que la Révolution française, c'est pas seulement une période de bouleversements sociaux et politiques, évidemment, mais aussi scientifiques et techniques. Et on en avait déjà parlé il y a 2 ans, je crois, dans une chronique sur l'invention du maître, qui nous avait replongé dans une période où c'était le fouillis le plus total en termes d'unités de mesure, poids et mesure. Il en existait d'ailleurs plus de 800 en France à l'époque, à la fin du 18e. Et donc, pour les révolutionnaires, parmi lesquels figuraient d'ailleurs de nombreux scientifiques, des savants, les inégalités socio-économiques se reflétaient jusque dans ce bordel, ce chaos de mesures-là. Il fallait donc renverser le système, le remplacer par un ensemble de mesures universelles, égales pour tous, partout dans le monde et à toutes les époques. Et Antoine Laurent Lavoisier va participer activement à cette réforme-là. Mais malheureusement pour lui, il ne sera pas épargné par la période de la Grande Terreur et l'épisode sanglant de la Révolution. Et comme 17 000 autres personnes, en 2-3 ans, il va finir ses jours guillotiné sur l'échafaud en 1794 à l'âge de 50 ans. Ouais, et c'est pourquoi il finit guillotiné alors que c'était un homme de science, c'est que à cette époque, et depuis une vingtaine d'années environ, il faisait partie d'un petit groupe, d'une vingtaine de ceux qu'on appelait les fermiers généraux, c'est-à-dire les gestionnaires des impôts et des droits de douane au nom du roi de France. Quand il y avait quelqu'un qui rentrait dans Paris, il payait une taxe, et ces gens-là récoltaient les taxes et, avaient des postes quand même assez bien rémunérés. C'est une occupation donc qui va lui assurer à Lavoisier des revenus stables pour effectuer ses travaux de chimiste, on va y revenir plus tard, mais qui va aussi, dans le fond, le faire passer dans le camp des riches, des privilégiés, des ennemis du peuple ou traîtres à la nation durant les jours les plus sombres de la Révolution française. Donc, il va finir guillotiné, et après son exécution, son corps va être empilé dans une fosse commune et plus tard transféré dans le gigantesque dépôt souterrain d'ossements qui deviendra célèbre sous le nom des catacombes de Paris. Et pour citer un autre savant de l'époque, le mathématicien Lagrange, ouvrez les guillemets, il ne leur a fallu qu'un moment pour faire tomber cette tête, et 100 années peut-être ne suffiront pas pour en reproduire une semblable. Fermez les guillemets. Ouais, ça veut tout dire, hein, ça. Ouais. Et Frédéric, quels sont les principaux accomplissements de Lavoisier en chimie? Ben, on va mentionner d'abord que Lavoisier n'était pas destiné trop à une carrière scientifique au début. C'est d'abord le droit qui va étudier et pratiquer. Ah bon? À la recommandation de son paternel, donc son père Lavoisier, qui est procureur au Parlement de Paris. La famille Lavoisier, c'est une famille connue dans tout Paris, c'est une famille aisée, c'est une famille cultivée. Mais le jeune Antoine Laurent se passionne plutôt pour les sciences comme la météorologie, la botanique et même la science bizarre de la géologie. Et bien sûr, il se passionne pour la chimie. C'est une discipline pour laquelle, d'ailleurs, il va entrer à l'Académie royale des sciences en 1768, à l'âge vénérable, imaginez-vous, de 25 ans. Ouais. Et bon, on pourrait dire qu'en général, les progrès de Lavoisier en chimie vont surtout se faire dans le domaine qu'on appelle la chimie pneumatique, c'est-à-dire celle des gaz, en particulier les gaz atmosphériques. Et il va combattre à l'idée une époque, il va combattre à l'époque une idée très répandue, l'idée dominante en chimie à l'époque, qui est celle du, tenez-vous bien, du phlogistique. Oui, ça ressemble à de l'antiphlogestine, ça, mais Frédéric, qu'est-ce que c'est, ce terme étrange-là, phlogistique? C'est quoi ça, phlogistique? Ce serait une substance inflammable et invisible contenue dans tous les matériaux qui se consumerait ou qui serait finalement perdu lors d'une combustion. Il y a un objet qui brûle et il va perdre son phlogistique. Okay. C'était l'idée de l'époque. Et selon cette théorie, c'est la perte de phlogistique qui générerait de la chaleur et de la lumière lorsqu'un objet ou un gaz brûle, par exemple. Or, petit problème à l'époque, on va bientôt démontrer avec des instruments de plus en plus précis que les produits de la combustion sont légèrement plus lourds que les composés d'origine. Les métaux, par exemple, gagnent en poids après la combustion, une combustion rapide, pas complète, évidemment. Et donc, ces métaux-là qui sont plus lourds après avoir été oxydés ou après avoir subi une combustion, ils peuvent donc pas avoir perdu leur phlogistique, comme on dit à l'époque, sinon ils seraient justement plus légers après la réaction. Et en plus, on avait observé qu'en absence d'air ambiant, il ne peut tout simplement pas, il peut pas y avoir de combustion. En réunissant ces deux idées-là, ces deux constats-là, Lavoisier va faire ses propres expériences dans son labo. D'abord avec le phosphore, un élément chimique qui vient d'être découvert et qui a la particularité de brûler assez spontanément au contact de l'air. Donc, il constate que la combustion du phosphore génère de l'acide phosphorique dont le poids est justement supérieur au phosphore d'origine. Et il répète l'expérience avec d'autres produits comme le soufre qui produit de l'acide sulfurique ou vitriolique qu'on appelait à l'époque. Ouais. Lui aussi, plus lourd que le soufre d'origine avant la combustion. Donc, conclusion de Lavoisier, l'augmentation de poids provient de la combinaison de l'air ambiant ou une partie de l'air ambiant avec les composés chimiques qui subissent la réaction chimique. Donc, autrement dit, le phlogistique n'existe pas. Oui, on en avait une belle preuve, là. Et est-ce que Lavoisier était le seul chimiste à combattre ce principe du phlogistique? Non, justement, à l'époque, il y avait beaucoup de découvertes de nouveaux éléments chimiques à cette époque-là, 18e, 19e siècle. Et justement, le chimiste anglais Joseph Priestley venait de découvrir à cette époque l'un des gaz qui constitue l'air ambiant, présent à environ 20% dans l'atmosphère, affublé à l'époque du nom un peu barbare d'air déflogistique. trop compliqué. Oui. Alors, Lavoisier va le renommer tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire l'oxygène ou, selon la racine grecque, à l'origine des acides ou source d'acide. Ouais. Acide phosphorique ou sulfurique, des expériences dont on vient de parler. Et c'est justement cet oxygène gazeux-là, la molécule d'O2, donc deux atomes d'oxygène, qui se combine aux métaux et autres matériaux lors de la combustion et qui est à l'origine de la chaleur et de la lumière qui se dégage de la réaction. Autrement dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors, c'est donc à ce moment-là qu'il énonce sa fameuse phrase restée célèbre, non? En fait, il a repris un vieux concept. Le concept aurait été énoncé dès le 5e siècle avant Jésus-Christ par un certain Anaxagore, qui aurait dit, deux points, ouvrez les guillemets, rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau. Fermez les guillemets. Ça, c'est joli quand même. Alors, Lavoisier va reprendre ce concept-là et l'adapter à ses nouvelles découvertes expérimentales sur la combustion. Et le passage exact se lit comme suit, restez avec moi, alors ouvrez les guillemets, rien ne se crée ni dans les opérations de l'art, ni dans celles de la nature. Et on peut poser en principe que dans toute opération, il y a une égale quantité de matière avant et après l'opération, que la qualité et la quantité des principes est la même et qu'il n'y a que des changements, des modifications. Autrement dit, ça c'est la version longue, mais la version courte de ce passage-là, autrement dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, est fondamental, non seulement en chimie, mais au fond dans toutes les sciences naturelles, la physique en particulier, c'est la loi de la conservation de la matière. Et Lavoisier a pu la formuler grâce à des protocoles expérimentaux et des instruments très précis pour l'époque qui lui permettaient justement de peser des corps avant la réaction ou avant la combustion, peser ensuite les éléments qui en résultent et enfin reconstituer les substances de départ avec des éléments issus de cette réaction-là. Ce sont les bases, autrement dit, de la chimie moderne. Et Lavoisier va les résumer dans son traité élémentaire de chimie, un ouvrage rapidement devenu classique et ironiquement publié justement en 1789, année même du début de la Révolution française. Et est-ce qu'il travaillait tout seul dans son laboratoire, Antoine Lavoisier? Non, justement, à coup de théâtre, non. C'est un fait assez rare en science, mais Lavoisier va collaborer étroitement et une bonne partie de sa carrière scientifique sur plus de 20 ans, donc avec son épouse, sa femme, donc Marianne, oui, Marianne Pierrette Pose, ou Pose, fille d'une famille de la haute bourgeoisie parisienne, a reçu évidemment une éducation classique dans un couvent lorsqu'on lui présente le jeune Antoine Laurent Lavoisier. Elle est encore plus jeune, en fait, elle a 13 ans, bientôt 14, et lui, il en a 28. Donc, c'est une bonne différence d'âge, surtout selon nos standards aujourd'hui. Maintenant. Mais c'est moins pire que le mariage arrangé que la famille veut imposer à la jeune fille avec un baron, tenez-vous bien, âgé de 50 ans. Donc, finalement, ça se sauve du baron et épouse Lavoisier. Le mariage est célébré en décembre 1771, culminant apparemment avec un repas de pas moins de 15 services. Rien de moins. Rien de moins, non. Donc, la jeune Marianne a suivi au couvent, en fait, des cours de latin, des cours d'anglais, a une bonne base en sciences et elle maîtrise aussi le dessin. Et finalement, elle va être bientôt plongée dans les travaux de chimie de son mari et elle va pas tarder à réaliser elle-même, elle aussi, des expériences. Les cahiers de notes de laboratoire de l'époque contiennent d'ailleurs les deux écritures, celle d'Antoine Laurent et celle de Marianne côte à côte dans les cahiers de labo. Et donc, elle réalise d'ailleurs toutes les illustrations qui vont accompagner les ouvrages de son mari, dont celle du fameux traité élémentaire de chimie qu'on a déjà mentionné. Elle va traduire des livres de chimie en langue étrangère vers le français. C'est vraiment donc une collaboratrice scientifique de Lavoisier. C'est une femme indépendante, une vraie scientifique finalement. Ouais. Évidemment, la mort sur l'échafaud de son mari va être un choc terrible, comme on peut s'imaginer. D'autant plus que son propre père à elle, qui est lui aussi fermier général, va être guillotiné en même temps que Lavoisier. Alors, suite à cette exécution-là, elle va protester vivement contre le régime en place dans une lettre ouverte, va faire d'ailleurs de la prison pour ça et mettra plusieurs années à récupérer ses biens, incluant les instruments et les notes scientifiques de son mari. Et donc, elle meurt en 1836 et, assez particulier, elle est présentement inhumée au cémetère du Père-Lachaise à Paris. Elle, donc, on pourrait dire, on pourrait donc finalement intituler cette chronique sur la tombe d'une savante inconnue. Oui, voilà. Effectivement, parce qu'elle, on sait effectivement où elle a été inhumée. Elle, on sait où elle est. Lavoisier, on ne sait pas trop. Il est quelque part dans les catacombes. Il est dans l'oxygène, là, c'est ça. Alors, voilà. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir sorti de l'oubli Anne-Marie Pierrette Pose, restée éclipsée par son illustre mari Antoine Laurent de Lavoisier. Alors, merci, voilà, et de très joyeuses fêtes à Paris. Ben, vous aussi, puis on se retrouve en 2019. Tout à fait. Et maintenant, mettons un peu de musique avant de nous parler un peu de Lulu et Nana, les premiers bébés génétiquement modifiés.